Les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulézard.com. CKRL. 1. Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. On va passer la prochaine heure ensemble à écouter de la bonne musique en téléchargement gratuit. Donc, vous avez juste à vous rendre sur le blog de l'émission. C'est au www.webmusique.ca. Vous allez pouvoir donc consulter la playlist et télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Vous pouvez télécharger de façon gratuite et légale. Donc, on va débuter avec Albien, un artiste publié sur l'étiquette Amor Loco, qui nous vient de l'Argentine. Je vous fais passer la pièce Invocado Comanche. Ensuite de ça, c'est sur l'étiquette Mahorca. Je vous fais entendre un artiste de Chicago du nom de Captive Portal. Je vous fais entendre sa pièce Mr. Really Loves You. Donc, on débute avec ces deux pièces-là à Web Musique. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL 89,1. On vient tout juste d'entendre Captive Portal avec la pièce Mr. Really Loves You. C'est sur l'étiquette Maorca. Avant ça, on débutait l'émission avec Elbien et sa pièce Invocado Comanche. C'était sur l'étiquette Amor Loco. On poursuit avec Reality 23 avec sa pièce Adios. Je vous fais entendre ça, donc c'est tiré de l'étiquette The Happiest Death on Earth. On poursuit avec quelque chose publié sur l'étiquette Evoke Records, c'est de Gaffer Bobs. Je vous fais entendre leur excellente pièce We Are Gaffer Bobs. Donc on écoute tout de suite Reality 23. C'était de Gaffer Bob's avec la pièce We Are Gaffer Bob's. C'était sur l'étiquette Evoke Records. Avant ça, c'était Reality 23 avec la pièce Adios. C'était ça sur l'étiquette The Happiest Death on Earth. On poursuit avec un groupe qui nous vient de la ville de Bruxelles en Belgique, c'est Wild Worm Web. Je vais entendre la pièce de First Three Laws, c'est un tribute à King Mob, donc c'est sur l'étiquette Le Colibri Nécrophile. Thank you. let it burn down, baby. All you need is dynamite. Same thing day after day, too. Work, dinner, work, too. Armchair, TV, sleep, too. Work, dinner, work, too. Armchair, TV, sleep, too. Work, dinner, work, too. Armchair, TV, sleep, too. Work, how much more can you take? 1 in 10 go mad, 1 in 5 crack sun. All you need is dynamite. Your civilization represents death. You eat dead food. You live dead lives. You dig dead art. You fuck dead women. All you need is dynamite. De la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 88 522 4373, labarberie.com. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou, lebaldulézard.com. Les danses du monde vous intéressent? Le tap celtique, le flamenco, le gumboots, la danse à claquettes sont parmi les cours de danse proposés par l'école de danse Migration. Venez découvrir les nouvelles disciplines et rencontrer les professeurs de l'école lors de l'événement danse qui aura lieu le dimanche 8 septembre. Prenez connaissance du lieu ainsi que de l'horaire des ateliers et des démonstrations sur migration avec un S danse.com ou au 88 684 3132. C'est gratuit. Auditeurs de CKRL, voici le moment de poser un geste concret envers votre radio préférée.

C'était donc... attendez un peu que je me retrouve. C'était donc Space Wine, excusez-moi, Soft Note et Ognivo. La pièce Stratus, c'était sur l'étiquette United Studios Corporation. C'est un duo qui nous vient de la Russie. Avant ça, c'était du Canada, Space Wine, avec sa pièce Mirror, Robot Mirror. C'était publié ça sur l'étiquette japonaise Bombfoot. On poursuit avec un artiste publié sur Ephedrina, une excellente étiquette italienne qui nous vient de la ville de Rome. Je vais entendre Shango avec sa pièce Harpsichord 001, un peu de clavecin électronique. Puis ensuite de ça, également sur... avant ça, ça va être Amrock avec la pièce Air Dance. Amrock, c'est le pseudonyme de Anna Talnova, vous allez voir, vraiment excellent. Et ensuite de ça, on va écouter Shango avec Harpsichord 001. Thank you. un peu de clavecin électronique à web musique. Donc, c'était Shango avec la pièce Harpsichord 001. C'était sur l'étiquette italienne Ephedrina. Avant ça, c'était Amrock avec la pièce Air Dance. Et on va poursuivre tout de suite avec un Italien du nom de Andrei Sciarrobourra. Je vais entendre sa pièce Seven Yint. Thank you. Les petits oiseaux, c'était merveilleux. Donc, c'était un artiste italien du nom de Andrei Choroboura. C'était sa pièce Sevanienth. C'était sur l'étiquette Ephedrina. On va se quitter, c'est sur une dernière pièce. Je vous invite à rester à l'écoute. C'est le mur du son qui suit tout de suite après. Pour se quitter, on va entendre une pièce de Somme, un artiste des États-Unis que j'adore, que j'ai découvert grâce à SoundCloud. Il a fait un petit remix de Super Mario, donc je vous laisse là-dessus. Puis on se donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Web Music. Téléchargez Web Music sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Tous les mardis, la Ninkasie du Faubourg est heureuse de vous présenter l'émission du retour de 15h30 à 17h30, Change de disque, animée par Tania Beaumont. 2 heures d'actualité culturelle sous toutes ses coutures. La Ninkasie, en collaboration avec la Bière Boréale et Dola Communication, aide les artistes locaux à lancer livres ou disques en offrant un service de lancement totalement gratuit. Les lancements ont lieu les mardis entre 17h et 22h. Consultez le site ninkasie.ca pour plus de détails. Comment condenser le meilleur de la musique britannique en 90 minutes? Do you know where the waffles go? They go along to take your honey. Facile. Écoutez Mezzanine avec Michel Drolet tous les jeudis de 18h30 à 20h. L'Angleterre comme si vous y étiez. Cet automne, Continuo ne change pas d'époque, mais d'horaire. À compter du 8 septembre, étirez le temps de la pause dominicale en retrouvant une heure plus tard, de 9h à midi, votre émission de musique ancienne, le dimanche au 89.1, évidemment. Une invitation de Denis Grenier. La Korrigane, une publicité artisanale pour des bières artisanales. César, en tant que gladiateur des terres, aurais-tu quelque chose à m'offrir? À boire? Maximus, je vous ai déjà offert cette calèche d'or, ces épées de marbre fin. Oui, de marbre fin. Que veux-tu de plus? Rien pour étancher ma soif, César. Je veux Cléopâtre. À la place, je t'offrirai Marie Morgane, une blanche belge de 5%. Brasserie artisanale La Korrigane, 380 Dorchester, à Québec. Le vendredi 6 septembre, c'est le dévoilement de la programmation automne-hiver 2013-2014 de CKRL.